6. Laurie Cosquer en était là de son récit quand, du coin de l'âtre, où elle semblait uniquement attentive au chant de l'eau dans la bouilloire, sa femme annonça que le marc était passé. Le café de 4 heures est un rite essentiel de la vie bretonne. Et il n'est pas de chaumière si misérable où il ne soit pratiqué journellement. J'aurais commis la plus grave injure envers mes hôtes en refusant de communier avec eux dans cette tradition en quelque sorte nationale. Et d'ailleurs, le début de leur humble aventure d'amour ne me rendait que plus avide d'en connaître la fin. Une fois qu'il eut devant lui sa tasse fumante, et après l'avoir poivrée d'un soupçon d'eau-de-vie à 40 sous le litre, encore un reliquat de la noce, Lauric reprit. « Voilà, monsieur, comment j'épousais la mère, à seule fin de plaire à Néa Garandel. » Oh, ce ne fut pas sans lutte. Ses parents, lorsqu'il s'ouvrit à eux de sa détermination, en se gardant bien toutefois de leur en révéler le véritable motif, le crurent subitement devenu fou. « Que diable, ce n'est pas tombé sur toi comme un coup de vent, cette frénésie de la mère !» Il affirmait, très calme, « Si fait, chez la plupart des garçons de mon âge, il paraît que c'est ainsi que ça vient. » Et il citait des exemples, nommait celui-ci, celui-là, tel autre, tous des jeunes gens du canton. « Oui, lui objectait-on, des sans-métiers. » Des propres à rien. Mais toi, un chasseur de taupes, et qui a le don comme pas un ? » Sa mère alla secrètement commander au curé de Tréguier une messe avec cierge, à l'autel de Saint-Yves, pour obtenir, par l'intercession du grand avocat des humbles, qu'il ne persista point dans sa funeste résolution. Son père, en désespoir de cause, le menaça de le renier. « C'est bien, dit Lauric, si vous ne donnez votre consentement à mon départ, vous le donnerez donc à ma mort. » Ce n'était point là un vain propos. Les vieux le sentirent et cédèrent. Moins de 3 semaines plus tard, Lauric était inscrit, immatriculé, embarqué. Son premier voyage dura 52 mois. C'était le temps des frégates à voile. Il parcourut des mers immenses, traversa des atmosphères embrasées, frôla de mystérieux fantômes de glace. Devant lui se déroulèrent les spectacles d'une création inconnue qui ne semblait pas sortie des mains du même Dieu que celui des Bretons. Et cela ne l'intéressa point. Une seule chose hantait sa pensée, occupait les yeux de son âme, et c'était l'image de Néa. Sous les ciels de feu comme sous les ciels de ténèbres, à l'équateur comme au Cap Horn, elle obstruait pour lui l'horizon. Pas une fois il n'accepta de descendre à terre aux escales, ni n'éprouva la curiosité de vérifier par lui-même les merveilles que lui contaient les camarades sur leurs nocturnes équipées dans les villes de plaisir. Tout lui était indifférent de ce qui n'était point Néa. Ses courts sommeils, entre les quarts de nuit, il les passait à rêver d'elle dans son hamac, et le jour il restait des heures là-haut dans les vergues, à s'enivrer de son souvenir au bercement égal des alizés ou parmi le furieux déchaînement des cyclones. Il ne se préoccupait pas plus de lui faire parvenir de ses nouvelles qu'il ne s'attendait à recevoir des siennes. D'abord, il ne savait ni lire ni écrire, et il eût cru profaner ses sentiments en les livrant à des plumes étrangères. Puis, la mode des lettres était encore une rareté chez les marins de cette époque. On ne communiquait guère avec le pays que par l'intermédiaire des collègues qui y allaient ou qui en revenaient, et c'était là une occasion qui ne se présentait pas souvent. Plût à Dieu que Lauric Cosquer ne l'eût jamais rencontré, mais une fatalité l'a mis sur sa route. Il y avait près de 3 ans qu'il bourlinguait au tonnerre de Brest, sur la frégate l'Intrépide, quand, un jour, dans les mers du Sud, on fut accosté par le croiseur Neptune, qui, sa période terminée, rentrait en France. Pendant une couple d'heures, on fraternisa d'un bord à l'autre, selon l'usage. Or, quelle ne fut pas la joie de Lauric de retrouver, parmi les matelots du Neptune, un des hommes précisément sur l'exemple desquels il s'était appuyé pour justifier à son père la soudaine éclosion de sa vocation maritime. Il se nommait Constant Tréglose. Dieu lui fasse paix. Et il était originaire de Bugueless, où ses parents tenaient un débit. Plus âgé que Lauric de 4 ou 5 ans, il comptait déjà plusieurs campagnes et s'en allait en congé définitif. Un fier luron, ma foi, large d'épaules, franc d'allure, à qui la navigation avait singulièrement profité. L'entrevue fut naturellement des plus cordiales, mais sans grandes manifestations extérieures, à la bretonne. « Qu'est-ce qu'il faudra dire chez toi, cadet ?» demanda Tréglose quand la minute de la séparation fut arrivée. « Tu diras bien le bonjour au vieux, que je n'ai pas de regrets à ce que j'ai fait, que la santé va bien, et que je souhaite qu'il en soit de même pour eux. Entendu ça, et tu n'as personne d'autre à bonjourer ?» Loric eut sur le bout de la langue le nom de Néa, mais ce fut pour le ravaler aussi vite. « Toujours cette sacrée honte, qu'est-ce que vous voulez ?» Et, après une longue hésitation, comme s'il eût dû chercher au fond de sa mémoire, il répondit simplement « Les Garandelles de Canles ont été bons pour moi. Je serai content que tu t'informes où ils demeurent et que tu leur portes mes amitiés. » Ah, si du moins il n'avait rien dit, mais qui peut prévoir ? Passons, n'est-ce pas ? Le moment vint où ceux de l'Intrépide revirent à leur tour la terre de France. Un 22 mai, sur les 5 heures du soir, Loric Cosquer quittait à Morlaix la diligence de Brest à Saint-Brieuc et s'acheminait à pied vers le plateau trégorrois. Il avait en poche son diplôme de gabier, un congé de 6 mois, et, noué dans son mouchoir, 7 vingt écus d'économie, presque une richesse, qu'il allait pouvoir déposer avec son cœur entre les mains de Néa. Cette pensée lui donnait des ailes, les 15 lieues qu'il avait à franchir semblaient fuir sous ses pas. Il avait le meilleur des bâtons de route, l'espoir. Joignez que la nuit était merveilleusement belle, l'ombre transparente et tiède, l'air embaumé d'une odeur d'herbe déjà mûre pour la fenaison. Les arbres, les ajoncs des talus bruissaient à peine. Une brume argentée flottait comme la respiration des champs endormis. Aux approches de Canles, Loric eut l'âme inondée d'une telle allégresse qu'il se mit à entonner une chanson de bord apprise sur le gaillard d'arrière de l'Intrépide et qu'on eût dite composée à son sujet. « Pour l'amour d'une blonde, je me suis engagé, marin sur l'eau profonde, jour et nuit, en danger. J'ai fait le tour du monde, me voilà en congé. Vais savoir chez ma blonde si son cœur a changé. Je lui dirai, ma blonde, si ton cœur a changé, vais me périr dans l'onde, quoique sachant nager. » Il en était à ce couplet quand tout à coup, sur ses talons, quelqu'un s'exclama « Damné sois-je, que le cœur de ta douce ait changé ou non, ta voix à toi, du moins, Loric Cosquer, est restée facile à reconnaître. » C'était un homme de Trévoux, Tréguignec, un tailleur d'habits qui avait souvent travaillé dans les mêmes maisons que Loric. Il était nu-pied, ayant ôté ses souliers pour marcher plus vite, et c'est pourquoi Loric ne l'avait pas entendu venir. « Les uns chantent, les autres pleurent, » reprit-il. « Ainsi, moi, je vais annoncer au fils de Carambesque que son père a été trouvé noyé dans l'étang du bois Rioux. » La joie de Loric fut empoisonnée. Ouïr parler de mort rentrant au pays n'est pas un bon présage. Heureusement qu'on arrivait au carrefour des Trois Croix où s'amorce le chemin du Pont-Neuf. Loric s'empressa de larguer le tailleur sans même lui toucher la main et s'engagea au pas de course dans la descente. Un bouquet d'arbres, des meules de paille, le dos arrondi d'un toit de chaume, émergèrent comme une île de brouillard blanchâtre de la vallée. C'était là. Il pouvait être 2 heures du matin. Les gens, les bêtes, tout reposait. Mais les choses avaient leur vieil aspect familier. Il n'était pas jusqu'au tombereau qui n'érigea comme d'habitude ses brancards vides, à la place accoutumée au milieu de la cour. Le marin dut s'y adosser tellement ses jambes flageolaient sous lui, non de fatigue, mais d'émotion. Par les petites vitres des lucarnes pleines de noir, il sentait l'âme de la maison qui le regardait. Qu'y avait-il dans ce regard ? Promesse ou menace ? Pour la première fois, un doute poignant lui pénétra dans l'esprit, comme une lame. Il eut peine à réprimer un cri. Dans sa soudaine angoisse, il imagina d'aller coller son oreille à la porte, pour écouter s'il n'entendrait point le souffle de Néa, dont il savait que le lit se dressait juste en face. Mais le tic-tac de l'horloge fut le seul bruit qu'il put percevoir dans le profond silence. « Bah, se dit-il, pour se rassurer, c'est d'avoir tant marché qui me donne ces idées sottes. Tout ça va se dissiper avec les mauvaises influences de la nuit. » Il se dirigea sur la pointe du pied vers l'étable aux vaches, où, jadis, il avait son coucher. Quand il ouvrit la claie de genêt, les bonnes bêtes, vautrées côte à côte dans la litière, se bornèrent comme autrefois à soulever nonchalamment leurs mufles appesantis. Comme autrefois, il les caressa d'une tape au passage et, côtoyant le mur, gagna l'angle de droite. Elle était là, comme par le passé, elle était là, entre ses 4 piquets, la couette de paille qui lui avait si souvent inspiré de si beaux rêves. Il s'y allongea tout rasséréné et sur ses paupières, le sommeil s'abattit comme un coup de poing. 7. Jésus m'a doué, Lorig le taupier qui est ici dans la crèche ? C'était la voix grasseyante de Fanta. « En voilà une surprise !» ne cessait-elle de répéter. « En voilà une surprise !» D'un bond, Lorig avait sauté à bas de sa couchette. Il frottait machinalement ses yeux gonflés et tentait de balbutier de vagues paroles. La vieille l'entraîna. « Viens, on causera en déjeunant !» Il la suivit vers la ferme, toute blonde sous le premier soleil. Il ne savait s'il marchait à la mort ou à la vie. « Devine qui j'ai trouvé en allant soigner les vaches !» cria Fanta dès le seuil. Le vieux Garandel, qui avait le nez dans sa soupe, se leva du banc où il était assis, dans l'encoignure de la fenêtre. « Ah ah ! » fit-il gaiement. « Je vais donc pouvoir te régler ma dette. Oui, les 15 taupes qui ne t'ont pas été payées. Mais d'abord, matelot, que je te donne la collade. Nous avons eu de tes nouvelles. Tu fais ton chemin, à ce qu'il paraît. Tu vas nous conter ça. » Fanta, près du foyer, trempait une autre écuilée. « Commence par te loger ceci quelque part, mon bonhomme, » dit-elle. « Tu dois avoir un rude creux dans l'estomac. » Lui, cependant, furetait des yeux autour de la pièce. « Je vois ce que c'est, » reprit Fanta. « Tu trouves drôle qu'il n'y ait que nous dans la maison, n'est-ce pas ? Lasse, qu'est-ce que tu veux ? C'est ainsi. Nous sommes seuls dorénavant, seuls, comme des pauvres vieux. Jusqu'à ce que le fils aîné rentre du service, s'il rentre, » opina l'ancien grognard. Le marin sentit son cœur s'arrêter. « Alors, Néa ? » commença-t-il, les lèvres blanches. « Néa ? » s'écria la ménagère, dont le visage se rida de plaisir. « Néa, c'est vrai, tu ne sais pas. Elle est maintenant dans tes parages, du côté de la mer, là-bas, à Bugueles, et elle sera bien contente de te voir, pour sûr, car, si elle est heureuse comme elle est, c'est en grande partie à toi qu'elle doit son bonheur. « Ah, moi ? » bégaya Lorig, la tête chavirée. « Dame, oui, à toi !» intervint le vieux. « Si tu n'avais pas envoyé Constant Tréglose nous porter tes amitiés, notre fille, tu penses bien, ne l'eût jamais connue. Et du moment qu'elle ne l'aurait pas connue, comment diable se seraient-ils accordés ?»« C'est clair !» approuva la vieille. Et sans se douter que chacune de ces phrases poignardait le cœur de Lorig, elle se mit à donner des détails. « Moi, je la trouvais un peu bien jeunette pour entrer en ménage. Et Garandel, lui, tant que d'avoir un gendre, aurait mieux aimé un cultivateur. Mais quoi, ce Tréglose, du jour qu'il l'avait vu, s'était juré qu'il l'aurait par la porte ou par la fenêtre. Et comme elle-même avait dans l'idée d'être femme de marin, nous l'avons laissé aller à la grâce de Dieu. Pour son bien, d'ailleurs, puisqu'ils s'entendent et qu'ils se tirent d'affaire. Ne manque pas de passer leur dire un bonjour, tu verras que c'est très gentil chez eux. « Ah si, elle est mariée !» articula Lorig avec lenteur. Mais d'un son de voix si étrange qu'il se demanda lui-même si ce n'était pas un autre qui avait parlé. Les vieux reculèrent d'épouvante en s'apercevant qu'il était aussi livide qu'un cadavre au linceul. Il leur fit de la main un geste d'adieu et s'appuya pour sortir à la cloison de bois qui, dans les fermes bretonnes, protège la table contre l'air de la porte. Comme il descendait la dernière marche du seuil, il entendit la femme qui disait à son mari « M'est avis que nous devrions réciter un De Profundis pour l'âme de Lorig Kosker. Sûrement qu'il est mort au loin. Ce que nous avons vu, ce n'est pas lui, c'est son intersigne. » Longtemps, ils restèrent persuadés qu'ils avaient reçu la visite non d'un vivant, mais d'un fantôme. Et ce qui les confirma encore dans leurs sentiments, ce fut quand ils apprirent, à quelques jours de là, que les parents de Lorig n'avaient pas eu vent de leur fils. Dans la débâcle de tout son être, il ne s'était plus souvenu, en effet, qu'il avait un père et une mère. Néa Garandel, en s'en allant avec un autre, avait comme dévasté sa vie. Il était plus seul et plus perdu que le plus abandonné des orphelins. Deux jours et deux nuits, il erra, le long de la rivière, aux alentours du pré des Garandelles, absent du monde et de lui-même. Il n'avait de volonté à rien, pas même à se périr. Pas de colère non plus contre personne. Une grande tristesse seulement, une grande pitié. S'étant assoupi vers l'aube du troisième jour, il fut tout effaré au réveil de trouver une douceur à sa souffrance. Sa jeunesse avait travaillé en lui, à son insu, sournoisement, comme fait la taupe sous terre. Il gagna la grande route de Lannion, mangea dans une auberge, rentra parmi les hommes. Le lendemain, il était de retour à Brest, et, le surlendemain, il était rembarqué. 8. Ce que je devins après ça, monsieur, eh bien, je battis la mer comme auparavant, allant où l'on me commandait d'aller, faisant campagne ici, là, en Afrique, en Crimée, en Chine, un peu partout. Et je continuais d'aimer Néa Garandel. De renoncer à son rêve d'amour, malgré le démenti que lui avaient infligé les événements, cela n'était pas dans ses moyens. Il s'entêtait au contraire, avec la chimérique obstination de sa race, dans une fidélité d'autant plus farouche qu'elle avait été plus cruellement déçue. Le vieil optimisme celtique, hérité de ses ancêtres, lui interdisait de désespérer. La même voix, indomptable, qui assurait au peuple de la Cambrie qu'Arthur n'était pas mort, au vieux Garandel, que le vaisseau blanc de son empereur croisait toujours en vue des côtes de France, lui certifiait à lui que, tôt ou tard, il aurait son heure, que son attente ne serait pas indéfiniment trompée. Qu'attendait-il donc? Il n'eût su le dire au juste. La volonté de Dieu, l'inconnu. 10 ans, 20 ans s'écoulèrent, pendant lesquels il ne fit que de courtes apparitions au pays. Il s'informait de Néa auprès de la mère Cosquer, qui avait chaque semaine l'occasion de la rencontrer le dimanche à la messe, puisqu'elles habitaient dorénavant la même paroisse. Mais il ne parlait jamais d'elle, qu'à mots couverts. « Et dans le ménage des Trégloses ?» demandait-il. La vieille Cosquer répondait « Ils vont tous bien. » Elle ajoutait quantité de choses les concernant, une naissance d'enfant, le baptême d'une barque, le trépassement du vieux Garandel, mais il n'y prêtait aucune attention. « Vous leur ferez mes compliments, » disait-il. Et il repartait, courait, à de nouveaux hasards, confiant malgré tout qu'un jour viendrait où, sans offenser la religion ni personne, il pourrait confesser à Néa ce qu'il avait souffert pour l'amour d'elle. Une seule fois, il crut bien que cette revanche ne lui serait pas accordée. C'était durant la guerre de Chine. Bref, un nom comme un éternuement. Là où il eut le bras fauché d'un coup de hache. « Cet homme est fini », avait déclaré le major après le pansement. Déjà, il se sentait glisser par-dessus bord, dans l'éternité. Quand, des profondeurs bourdonnantes de son cerveau, un cri jaillit. Un appel jeune, virginal et pur, comme le printemps breton. « Lauric, Lauric, hé !» À 6 semaines de là, un transport le ramenait en France. Manchot et pensionné, les traits prématurément vieillis, mais la tête saine et le cœur intact. Il arriva pour apprendre la mort de son père, survenue dans l'intervalle, et pour recevoir la dernière bénédiction de sa mère, qui se languissait de son mari. De toutes les maisons, où le taupier défunt allait en journée de son vivant, on envoya quelqu'un à l'enterrement de sa veuve. Ce fut dans cette pénible circonstance que, pour la première fois, depuis 20 ans, Lauric revit Néa. On en était au moment où l'assistance défile au pied de la fosse pour l'asperger d'eau bénite et laisser tomber une poignée de terre sur le cercueil. Les hommes avaient passé et c'était maintenant le tour des femmes, enveloppées, selon l'usage, dans leur grande cape de deuil qui les faisait se ressembler toutes. Lauric les regardait sans les voir, écoutant tristement sonner le bois de la bière sous chaque motte qui le heurtait. Tout à coup, comme une des femmes se penchait vers le bénitier, il tressaillit. Quelque chose en lui venait de l'avertir que cette forme noire, c'était Néa. C'était elle, en effet. Au sortir du cimetière, elle l'aborda. « Peut-être que vous ne me reconnaissez plus, » dit-elle doucement, en faisant glisser en arrière d'un gracieux mouvement de tête la cagoule de son manteau. « Si, Néa, et je vous remercie d'être venue. » Un sanglot le secoua où sa douleur de fils n'était que pour moitié. Néa reprit, « Je vous plains de tout mon cœur. C'est triste quand on n'a plus personne. Moi aussi j'ai perdu mes vieux. Ma mère est morte chez nous l'hiver dernier. Mais j'ai un mari. » Des enfants. Je ne suis pas seule. » Elle fit une pause, puis, d'une voix lente, posée, « Savez-vous, Lauric, vous êtes jeune encore. À votre place, moi, je me marierais. » Si dur que fut le choc, il le reçut, sans broncher. « Vous rappelez-vous, Néa, qu'il y a 20 ans, vous m'avez dit, à votre place, moi, je serai marin. Ça ne m'a pas précisément réussi, » prononça-t-il avec un pâle sourire, tandis que du geste, il montrait son épaule mutilée. « Je ne l'ai pas oublié, » dit-elle. « Et vous m'en voulez sans doute de cela, Lauric Cosquer ? Moi, vous en vouloir ? Oh non, ni de cela, ni d'autre chose, Néa Garandel. Toute la violence de son amour s'était comme projetée hors de lui, dans cette « Oh non !» Il s'en faisait déjà reproche. Mais Néa repartit avec tranquillité, en fixant sur lui ses beaux yeux clairs, dont l'âge n'avait point altéré l'éclat. « Eh bien, alors, pour me prouver que c'est vrai, descendez nous voir, Loric, un jour que vous aurez moins de chagrin. Nous parlons souvent de vous avec Tréglose, et ça lui fera beaucoup, beaucoup de plaisir, si vous venez. Pensez donc, depuis le temps. » Il répliqua très vite, « Certainement, comptez sur moi, Néa. Un jour, oui, plus tard, vous me verrez arriver, je vous promets. » Là-dessus, elle était allée dans sa route, lui, dans la sienne. Ceci se passait il y a 40 ans, monsieur. Au commencement du mois dernier, avec la permission de Dieu, j'ai tenu parole. Il huma le fond de sa tasse et poursuivit. C'était le lendemain de la messe anniversaire célébrée à la mémoire de Constant Tréglose. Je mis mes hardes propres et m'en fus, au tomber du soir, jusqu'à Bugueles. Néa filait sur le pas de sa porte. Je la bonjourai et lui dis « L'âme de Constant Tréglose est dans son repos. Vos enfants sont mariés. Vous voilà seule et sans personne. Néa, comme j'étais le jour de l'enterrement de ma mère, et comme je suis restée depuis, je vous promis ce jour-là que vous me verriez arriver. Je suis venue. » Elle répondit « Je savais que vous viendriez, Loric, et je sais aussi ce que vous venez chercher. Je l'ai attendu assez longtemps, Néa, pour que vous ne me revoyiez point avec un refus. » Elle dénoua le ruban qui attachait le manche de la quenouille à son corsage et me tendit la quenouille en disant « Emportez-la, Loric, avec la laine qui est dessus. Je la filerai dans votre maison. Voilà, monsieur, comment furent nos fiançailles, n'est-ce pas, Néa ?»« C'est la vérité, » fit la petite vieille à croppeton sur la pierre de l'âtre où elle était retournée s'asseoir, le café servi. La noce, reprit Loric, vous l'avez vue de vos yeux, et, si vous aviez écouté ma prière, vous auriez eu le droit de dire « J'en étais », comme font les conteurs à la fin de leurs histoires. Il ajouta, d'un ton pénétré, « Vous savez à présent la mienne, monsieur, et que c'est l'histoire d'un homme heureux. » Une lumière nageait dans ses prunelles d'un bleu profond, une lumière mélancolique et douce, comme celle qui se mourait au dehors, sous les premières cendres du crépuscule. J'avais pris congé de Néa Garandel et j'allais quitter Loric Cosquer au bas de l'escalier de granit taillé dans la chaussée de l'étang quand des vols de corneilles passèrent au-dessus de nos têtes, gagnant les bois. « À propos, » dit le vieillard, « vous savez, le hibou que j'appelais mon cousin et sur lequel les autres me taquinaient sans cesse. « Ah oui, Loric, eh bien !» Figurez-vous, le soir où Néa vint ici comme ma femme, il n'était plus là, et depuis, nous ne l'avons pas revue.